3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur le programme hebdomadaire ou quasi, où on parle de l'actualité de la planète Orange and Blue. Avec moi aujourd'hui pour les épisodes estivaux, pour l'été, Choubix le Gaulois, et oui, c'est lui. On l'appelle dans la vraie vie Seb. Salut Seb, comment tu vas? Salut, salut Joanie, tout va bien. Après avoir montré ta plume, oui, ta plume, sur le blog KNF, après avoir... donner ta voix sur le podcast The Knicks épisode, j'en perds mes mots, parce qu'on a une semaine bien chargée, c'est pour ça que j'en perds mes mots. Et bien te voilà avec moi pour m'accompagner sur cet épisode estival. Il n'y aura peut-être pas d'autres épisodes, hein. on va se prendre un petit break et tout, on va aller à Vegas. Hein. Et ben on va reparler de l'actualité Knicks, de la grosse semaine qui vient de se passer, avec pas mal de mouvements autour de la Free Agency. Donc, t'es prêt, t'es chaud, t'as révisé, t'es au courant de ce qui s'est passé sur la planète basket pour les Knicks? Je crois que ça a été assez calme, quand même, au niveau de l'actu. Je crois que ça a été assez calme. Donc, ça devrait être une vidéo courte. Hein. Ouais. Alors, du coup, on perd pas plus de temps et on balance le jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est parti. Alors, c'était une semaine calme, pas du tout. Les Knicks ont été agitateurs, hein, comme à chaque fois, on le savait, un petit peu au moment de la draft, il y a eu quelques petits mouvements, et puis ça s'est poursuivi, et puis la semaine de Free Agency a été pour l'instant assez folle, il y a beaucoup de choses à dire, et on va commencer par les joueurs qui nous ont quittés. Et oui, une petite pensée émue à Nerlens Noël et Alec Burks. Un petit mot pour ces deux grands messieurs, Seb? Deux pertes dans l'équipe, deux personnes qui ont quand même été fondamentales pour notamment l'accession au play-off la saison d'avant. Il paraît loin déjà. Oui, c'est passé beaucoup de choses cette année. Ce que je trouve, moi, regrettable, c'est plus la perte de Burks, personnellement, comme j'ai pu le dire et comme certains peut-être le lire sur les réseaux, c'est que c'était quand même quelqu'un qui était assez important en sortie de banc. Alors, pas dans son rôle de meneur, hein, mais en sortie de banc. Non. Il était beaucoup utilisé à contre-emploi cette saison. Voilà. C'est pas le rôle qui lui convenait dans l'équipe à la base. À la base, c'était entre guillemets notre sixième homme. Un mec qui sort de banc, qui nous met 10, 12 points, 14, ça sert bien. Et qui peut nous faire gagner des matchs. Ouais, je veux dire, quand il monte à 20, 22 points, tout de suite, ça fait la différence. Quand il est chaud, qu'il a tous les filoches, bah, tout de suite, ça faisait du bien à l'équipe. Alors, enfin, moi, je le regrette, et puis je regrette surtout les contreparties. Enfin, bon, après, voilà, je comprends peut-être la politique on de. On a fait Londres. Un don. C'était ni plus ni moins qu'un don. Voilà, on a donné des joueurs, on a donné de l'argent, on a donné du pic. Voilà, on a donné d'autres joueurs. On a libéré de la place dans le roster et dans le cap. Donc, au revoir ces deux messieurs, mais effectivement, je pense la méthode est un peu douteuse au début, quoi. Surtout que quand tu te rends compte par médias et par plusieurs personnes qui suivent les Knicks et Insiders, c'est qu'ils considéraient que le contrat de Burks était à l'équilibre. C'est-à-dire que ce qu'il coûtait, c'était par rapport à son niveau. C'était pas surpayé, pas trop cher payé, c'était normal. Et donc, quelque part, c'était un contrat qui était facilement bougeable. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que on le refilait. On aurait récupéré, comme à l'époque, les Celtics avaient récupéré Evan Fournier avec deux tours de draft du second tour. J'aurais compris. Là, le donner, lui, en tout cas, à la limite, Noël... Sans rien. Là, on aurait pu récupérer quelques tours de draft, au moins. Voilà. Je ne dis pas qu'il fallait récupérer un joueur, parce que justement, c'était vraiment une opération purement financière, d'un point de vue cap, salarié cap. Ah oui, il fallait dégager des salaires. C'est ça. Accessoirement, tout le reste de la saison, on a dit aussi, il faut libérer de la place, au revoir les vétérans, laisser de la place aux jeunes. Bon, ça libère de fait des places dans le roster. Évidemment. Mais voilà, on aurait pu essayer de récupérer des pics. On en a beaucoup, des pics de draft. Après, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment cette volonté. Et puis, en termes de masse salariale, au final, C'était vraiment un don. On a même peut-être qu'ils ont, peut-être qu'ils ont été pris par le temps parce que la signature de Brunson s'approchait et que ben voilà, Il y avait effectivement une échéance qui arrivait en fin de semaine, donc il fallait faire un move vite fait. Voilà. Nerlens Noël, bon, il a passé la saison comme un fantôme, on l'a très peu vu. C'est ça. Dommage. Bon, il avait fait plutôt une bonne saison la saison d'avant, mais voilà. Bah en fait, les rôles avaient été inversés. Fallait s'en séparer, quoi. Les rôles avaient été inversés avec Mitch, en fait. La saison d'avant, c'était Mitch qui était blessé. C'était Noël qui avait bien assuré l'intérim. Vraiment, moi, ça m'a été une révélation. J'avais beaucoup aimé. Et puis, cette saison, ça s'est inversé. Noël blessé et Mitch qui revient et qui fait une saison correcte. Pas flamboyante, mais correcte. Et bah, forcément, en plus, avec l'éclosion de Sims, Jericho Sims qui, sur la fin de saison, était plutôt pas mal. Le grand Albatros. Donc, c'était... Ben, en fait, je pense que le front office le s'est dit... Tahiti Bob volant. Ouais, je pense que le front office s'est dit, bon, on a le remplaçant, on a pas obligé d'avoir un mec... Ouais, d'une certaine façon, c'est aussi un petit peu le regard qu'il faut qu'on se donne vis-à-vis de la non-draft, vis-à-vis du fait que ces joueurs sont partis pour rien, c'est que le front office, de fait confiance aux jeunes joueurs qui sont déjà là, qui prennent un peu de l'expérience de saison en saison. Donc, plutôt que reconduire ce type de joueur, qui coûte quand même, voilà, ils sont partis pour rien, pour libérer de la place. Alors, peut-être que le front office fait confiance aux jeunes, peut-être que Thibodeau fait au moins confiance c'est aux jeunes. C'est autre chose. Voilà, alors, on verra, on va voir quelle sera peut-être que là, contrat est forcé. Ses rotations, mais... Là, sans vétéran sous le coude, peut-être que là, il a plus le choix, il faut qu'il fasse jouer Grimes, faut qu'il fasse jouer... Si on se rappelle un petit peu les quelques mots, il faut vraiment les prendre pour ce qu'ils sont, et ils sont assez rares, ces mots de Léon Rose, dans le communiqué de presse qui a eu lieu après la draft. Il parle de développement de jeunes, de joueurs. Ça fait beaucoup, là. Voyons voir. Bon, moi, j'attends que ça. On verra, on verra. Plus de Grimes, ça serait super intéressant. On verra. Il faut que tout ce beau monde reste en bonne santé. En parlant de bonne santé, de pic et tout, il y a eu, pareil, c'est quelques jours avant le lancement de la Free Agency, des rumeurs autour de Dejounte Murray des Spurs, le All-Star des Spurs, qui, selon les Spurs, selon les bruits de couloir, devait partir pour quelques pics de draft seulement. Alors tout de suite, voilà... La sphère Knicks s'est emballée. Oh, il faut faire un move, il faut aller envoyer des pics, il faut aller le chercher. Voilà, comment ça se fait qu'on va pas le chercher? C'est notre joueur plutôt que mettre des millions sur Brunson. Voilà. Ça s'est agité, ça a paniqué encore dans la twittosphère et sur le net, sur les réseaux. On sait comment réagit la planète des Knicks fans. Bon, finalement, il est parti. Mais il n'est pas parti aux Knicks. Hein. Semble-t-il, ils étaient trois franchises dans la shortlist à la fin. Minnesota. Peut-être pour un trade contre D'Lo, faudrait-il penser. New York, donc, c'est pour ça qu'on en parle. Et les Hawks. Et au final, c'est aux Hawks qu'il va atterrir. En contrepartie, deux picks de draft non protégés. Alors, je ne sais plus combien il y en a, 3, 4. Donc, il y a quand même un bon paquet de picks de draft. Atlanta a un petit peu hypothéqué son avenir pour récupérer ce joueur, pour former un backcourt avec Trae Young. Et Danilo Gallinari. Le galop, la galinette qui est parti pour faire un aller-retour et puis au revoir, pour libérer du cash et du cap, 21 millions de dollars. Le sacrifié de Melo. Le sacrifié de Melo qui se retrouve encore une fois sacrifié. Bon, on ne fait pas trop de bill pour lui, il va retrouver une petite place chez les Celtics, donc finalement, il va pouvoir jouer les playoffs dans un rôle plutôt intéressant chez des contenders et apporter... encore des qualités basket qu'on lui connaît. Mais voilà, pourquoi les Knicks, finalement, n'ont pas pu faire affaire avec les Spurs? Déjà, c'est un trade, c'est un deal, il faut se mettre d'accord. Et puis, bah, on n'avait peut-être pas autant à proposer comme salaire à dumper. Ceux qui pensaient envoyer du Julius Randle, c'est plus compliqué d'aller dumper du Julius Randle derrière quand il reste un paquet de saisons. On a peut-être pu proposer Derrick Rose, mais on était plutôt à 14-15 millions de dollars et pas à 21. Donc finalement, voilà, les Knicks ne se sont pas déshabillés, ne se sont pas dépouillés pour récupérer un joueur qui arrive quand même, il faut aussi le dire, en fin de contrat prochainement. Dans deux ans, s'il est parti des Spurs, c'est parce que selon les bruits de couloir, encore une fois, Rich Paul, son agent, le fameux agent très influent de la clique LeBron, ne voulait pas le revoir signer aux Spurs. Donc est-ce qu'il va faire réellement son avenir à Atlanta? On verra. En tout cas, les Hawks ont tenté un coup, ont tenté un pari. Est-ce que ça va marcher? Donc, ils semblent heureux. Et Trae Young semble heureux de l'avoir. Ouais. Forcément, forcément. Moi, Après, les j'aurais. moves ne sont peut-être pas terminés côté Atlanta. On verra ce qu'ils passent chez eux, mais. Moi, je me cache pas que j'aurais été heureux de l'avoir aussi. Parce que je trouvais que Forcément, forcément. ça aurait bien collé avec l'esprit justement Thibodeau. Mais comme tu dis, je pense qu'on n'avait pas, peut-être, on n'avait pas les. Pas au niveau des pics, et bien que je pense qu'ils voulaient pas, ils veulent pas hypothéquer leur avenir, les Knicks, je crois que Léon Rose, mais bon, bref, on oublie aussi toujours Scott Perry, hein, ça c'est ce que je dis. Scott Perry, c'est notre GM, hein. Léon Rose, c'est le président. Hein. Scott Perry, c'est notre GM, faut pas l'oublier. Ouais, on n'en parle pas assez, on n'en parle pas Ah, assez. en Ouais, politique des Knicks, il s'occupe de vendre le pop-corn. il s'occupe de la buvette, voilà ce que j'allais dire. C'est ça. mais Léon Rose. Je pense qu'il n'a pas voulu, envoyer tous les pics sur un mec voilà, qui reste encore 2 ans et sans avoir de garantie que le type reste. Donc, d'un côté, on peut se dire bien joué. De l'autre côté, on peut se dire peut-être qu'on passe à côté d'un mec qui rentre dans son prime, qui a un contrat pas cher et Parce qui qu'il fait fuir des a deux côtés du terrain. 15, 15-16 millions, donc ça pouvait rentrer, on va dire, dans la stratégie. C'est 16 Mais millions cette année et voilà, 17 l'année prochaine. ils ont peut-être d'autres cibles, on en parlera après. Ils ont peut-être d'autres cibles en tête. En tout cas, c'est vrai que Léon Rose a toujours dans sa fameuse lettre a évoqué récupérer des assets. On a des assets, on a des tours de draft, alors ils valent ce qu'ils valent, ils sont pas forcément très hauts. On a aussi nos propres tours de draft, Oui. donc ceux-là on pouvait les mettre dans la balance. Mais voilà, il n'a pas osé en tout cas mettre la blinde là-dessus. Et puis de toute façon, dans un système d'enchères, à un moment donné, 21 millions, 15 millions, bon voilà, on sait qui l'emporte dans l'histoire, quoi. Oui. Et puis cette free agency, elle pouvait pas démarrer mieux que par une bonne vieille bombe qui est arrivée quelques heures avant le lancement. Qui est arrivé de l'autre côté du pont, du côté de Brooklyn, Kevin Durant Mess. a décidé de demander son trade. Alors là, il a retourné la planète des suiveurs, des followers, des insiders en quelques mots. C'est ça. Alors qu'en début de semaine, il y avait de l'agitation autour du cas Kyrie Irving. Il y a toujours de l'agitation autour de Kyrie Irving. Kyrie C'est ça. Irving est un agitateur né, il faudrait croire. C'est ça. Sur une Et terre là, c'est plate. qu'il sur une terre plate. Et là, alors qu'il avait décidé finalement de rempiler, de pas de opt-in, de garder sa dernière année de contrat, ce petit Kyrie, pour 35-36 millions de dollars, hein, c'est pas mal pour un jeune Ouais. débutant. Eh bien non, finalement, c'est KD qui le lâche, qui lui dit, bah moi, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Hein, C'est quoi, ça. comment? C'était quoi le projet à Brooklyn? Et donc là, forcément, à quelques heures du lancement de la free agency, Ah, ça a fait une déflagration au à monstre. 3 heures. Hein, il veut partir, mais comment ça? Qui? Bah alors du coup, on retarde la free agency. On a vu un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux, encore une fois. Les gens attendaient de voir un petit peu les Wash Bombs, les Shams Bombs. Et C'est là, un voilà, trop. quand Kevin Durant tombe, on comprend pas, quoi. On comprend pas. Quelle était ta Ouais, c'est réaction, fini. toi, quand t'as vu ça, quand t'as appris la nouvelle? Bah, comme tout le monde, en fait, hein, c'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qui Est-ce se que c'est passe, un quoi? fake? Est-ce que c'est un Qu'est-ce qui se... fake? Au début, on peut se demander, mais hein, quand on voit en fait, que ce sont des comptes qui sont sérieux, comme le Woj ou Shams Charania, on peut se dire, bon, bah non, c'était pas des conneries, quoi. Enfin, bah, c'est pas des Parce bêtises. qu'attention, il y a des fois des faux comptes du Woj. Ouais, non, mais On là. a l'impression de voir une bombe, on fait ah, on relaie, et puis en fait on se dit Là, non, c'est un mais faux quand compte. on fait gaffe quand même, quand c'est certifié, quand c'est machin, que quand on voit aussi que d'autres médias français les relayent, on peut savoir que voilà, là, ce sont des vraies choses. Ben là, on se dit en effet, on se dit, mais en fait, moi, la première chose que je me suis dit, c'est un excellent joueur, c'est un joueur fantastique, mais quelle trace en fait il va laisser ce joueur-là dans la Une ligue? petite, toute petite, toute petite. Et je me suis dit, c'est quand même dingue de savoir que Kevin Durant n'aura peut-être son maillot retiré nulle part. Je ne sais pas s'il aura son maillot retiré aux Warriors. Je ne sais pas, il a quand même été 2 fois MVP des finales, peut-être. Pour Mais. l'instant, s'il y a un endroit où il doit être retiré, ce serait plutôt là, parce qu'à OKC, ça s'est quand même plutôt mal fini. Après, va Voilà. savoir, peut-être qu'il va nous faire une LeBron, peut-être qu'il va vouloir revenir chez lui à OKC. Ouais, mais encore, Bon, il à avait voir pour un côté. l'instant, son Il avait un avenir est côté très romantique. incertain. Il y avait un côté romantique avec LeBron, et encore, il revient parce qu'il y a Kyrie qui a été drafté, et qui est tout jeune et qui envoie du bois, et puis il a les garanties qu'il y a Kevin Love qui signe derrière. Donc il n'arrive pas encore une fois les mains vides. Mais il revient chez lui et il fait gagner un titre, voilà, c'est quelque chose, voilà, de beau à voir. Mais de l'autre côté, pour Kevin Durant, il lâche Oklahoma City pour rejoindre une équipe qui avait égalé le record, je crois, des Bulls en saison régulière. Ils les ont battus Il même, ils ont battus. gagne, Ouais. Il gagne deux titres avec une équipe de feu, voilà, cinq All-Stars, je ne sais pas si tu te rappelles, des Marcus Si, je me Cousins, rappelle bien, je Draymond me rappelle. Green, enfin voilà. Donc le gars, bon, ben, voilà, il a l'équipe des Warriors, tu tapes un code sur 2K, c'est l'équipe, tu sais, ils ont tous 99, quoi. Et Un peu puis, cheaté, bon. ouais. Et puis bon, bah, il décide de partir pour se créer donc Sa voilà, une propre méga équipe, équipe. Voilà. voilà, être le leader, le mâle alpha, prendre le contrat Voilà. au passage, hein, parce que voilà, il était en rééducation. Et faut pas oublier Et un truc, c'est ce c'est qui qu'il a était. prolongé la saison dernière. Ouais. Il a Et il prolongé la l'a saison prolongé. dernière. Alors après, on a entendu tout et n'importe quoi, comme quoi bah, il voulait pas jouer aux Knicks, comme quoi voilà, c'était pas assez bien pour lui, il Bon, préfère les Nets, ces c'est un machins. fait. Il est pas venu au Knicks, il est pas venu à New York, il a été à côté. C'est Voilà. pas visiblement pour la culture, c'est pas pour l'amour du maillot, c'est pas pour le projet, puisque Il est allé c'est à quand un peu côté difficile de prendre. comprendre que tu lâches l'affaire aussi vite, quoi. Il est allé à côté avec son pote prendre l'argent. Ça n'a pas marché. Et comme un gamin capricieux qui a pas son jouet pour Noël, et ben, il claque la porte et il dit, ben voilà, ben moi je m'en vais, je veux jouer avec d'autres stars. Bon, Moi, j'aimerais ben, bien c'est aller parti. où? Chez le numéro 1 de Voilà. l'Est, le Miami Heat. Chez le numéro 1 de l'Ouest, Phoenix Suns. Ok, Voilà. Kevin, on sait comment tu fonctionnes. On sait Mais comment. surtout, vous ne touchez pas aux Ouais. effectifs, hein. Je veux garder les Alors stars bon, avec moi. ouais. On va revenir sur nos Knicks à nous. Il y a certains qui se sont dit, ah, faut se positionner et tout, faut proposer quelque chose. Voilà, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Non, je pense que la page, elle est tournée. Ouais. La Et puis un page peu. KD, elle pouvait s'écrire à un autre moment. Et puis, quel est l'intérêt? Quel est Et puis l'intérêt de c'est. récupérer un joueur qui va toucher dans les 50 et quelques millions de dollars dans quelques années, C'est et ça. qui, on le voit, peut claquer la porte du Instable. jour au lendemain? Est-ce que c'est un leader, Kevin Durant? Voilà, on vous pose la question, vous n'avez qu'à nous mettre ça en commentaire. Est-ce que vous voulez le voir, Kevin Durant, venir au Knicks, là, maintenant, en 2022, en envoyant je ne sais qui, je ne sais quoi, qui pourrait satisfaire les Nets? Je Bon, sais bien que ce moi, que j'ai je mon vais dire, avis, ça. je suis contre ce type de venue au Nets, enfin au Nets, au Knicks, pardon. Voilà, Je sais bien que il ce ne que je vais dire, mérite ça peut pas, vous il ne mérite pas, il ne mérite un pas. peu choquer. Mais comme pour Kyrie Irving, Kevin Durant, à un moment donné aussi, se sont servis des Knicks pour faire monter les enchères, en tout cas pour avoir des bons contrats. Et à un moment donné, on est en droit, en tant que supporter d'une équipe, d'une franchise, d'avoir un peu de fierté et de se dire, non, ces Non mecs-là, en merci. fait, Non, non, non. Ouais. ils se sont servis de nous. Après, derrière, ils se sont moqués de nous. C'est pas pour maintenant qu'on les accueille les bras ouverts, allez, tout est pardonné, un bisou. Ce sont des joueurs fantastiques. Fantastique, comme j'ai dit, mais à un moment donné, un peu de fierté, voilà, Non, et puis t'es pas ça ne tourbillon s'inscrit pas assiette, quoi. dans le projet. Le projet qui est en train d'être construit ne s'inscrit pas comme ça. Et alors du coup, il y a des joueurs qui ont vraiment envie de venir au Et Knicks. oui! Et c'est eux dont il faut qu'on parle. Et Bien c'est eux sûr! justement sur lesquels Léon Rose a décidé de miser. Et dans les joueurs en question, bah, il y en a un qu'on attendait. Son nom est revenu un nombre de fois incalculable cette saison dans les discussions. Il y a eu des photomontages dans tous les sens. Le front office s'est déplacé, si on se rappelle bien, avec Julius Randle, avec Allen Houston, avec William Wesley, World Wide West, Voilà. pour Avec le le GM, premier ah non, il match n'était à pas Dallas. Peut-être, mais il était dans le quart. Et là. sont déplacés à Avec Dallas Blofield, pour il le n'a pas premier perdu Blofield. match. Et du coup, bah ça y est, c'est fait. C'est ça. Jalen Brunson est un Knicks. L'histoire était un petit peu écrite, hein. Le papa était arrivé, Léon Rose était son ancien agent, le fils de Léon Rose est son actuel agent, il jouait petit avec la fille de Léon Rose. Bon, c'est une affaire de famille, c'est peut-être un peu Ouais. trop une affaire de famille. Voilà, on est un petit peu, comment dire, en anglais on dit I'm a little bit concerned about this. Voilà, on peut se poser des questions en se disant, est-ce qu'il n'y a pas un peu de conflit d'intérêt dans tout ça, quoi? Enfin, voilà, quoi, ça fait un petit peu beaucoup de, Il le considère comme son de parrain, faisceaux. là. Je sais même pas si c'est pas son parrain, mais bref, c'est voilà quoi. C'est Voilà, il y avait de fortes connexions, et finalement ça s'est fait, quoi. Finalement ça s'est fait, il a eu sur il a ses fallu genoux à mettre le deux prix. fois. Mais ça y est, on a un meneur, on a libéré, Voilà. voilà, toutes les opérations qui ont été faites finalement dans cette draft. On drafte pas, on libère du cap, on envoie balader nos joueurs, enfin on les remercie gentiment, on les envoie à T3, on récupère du cap, on fait de la place, et ce qui devait arriver arriva, on a signé Jalen Brunson. Donc un agent libre, qui on va dire, voilà, qui a la cote, qui n'est pas dans son prime encore, mais qui est plutôt bankable en ce moment, peut avoir envie de signer Onyx? Oui, messieurs, mesdames, oui. Alors certes, C'est le fiston prodige, voilà, c'est celui qu'on annonçait depuis longtemps et c'était écrit, mais ça s'est fait. Il a signé aux Knicks, donc il faut s'en satisfaire. Il faut l'accueillir les bras ouverts parce que c'est un bon joueur, avant tout. C'est pas qu'un fils d'eux. Non. Puis d'ailleurs, il est plus fort que son papa, hein, c'est lui qui le disait. Mais est-ce que c'est une bonne signature? Sans forcément parler du prix. On va parler du prix après, mais est-ce que c'est une bonne signature vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis du poste, vis-à-vis de la qualité du joueur? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb, Ah de Jalen oui. Brunson? Moi, je pense que c'est une belle venue. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a éclos cette année. Après, c'est vrai qu'on peut avoir peut-être un peu de doute sur sa qualité peut-être de playmaker. Peut-être qu'il est plus scoreur que voilà, peut-être qu'il fait moins jouer ses copains. Mais ça reste quand même un bon joueur Jeune, qui est jeune, jeune. voilà. Et qui cette année a su exister. Alors même si on dit oui, il a profité de Doncic, mais il a aussi Ah. performé sans Doncic à côté, hein. Sans Luka, il a réussi à performer, il a pesé dans le jeu. Donc c'est Il quand a même fait quelqu'un. de beaux playoffs. Il a fait de Bien beaux sûr. playoffs. Et si les Mavs sont finalistes de conférence, C'est pas pour c'est rien. aussi en partie grâce à lui. Exactement. Parce qu'ils ont sorti le Jazz et il a été plutôt bon, plutôt Bien très sûr. bon même, sur les 3 premiers matchs où Luka n'était pas là. Donc il faut lui donner ce crédit. Alors beaucoup ont dit ouais, par rapport au prix, il a fait qu'une série de playoffs. Bon, faut regarder un petit peu le background du garçon. Il a Bien gagné sûr. 2 championnats en NCAA avec Villanova. Il a été dans les joueurs universitaires plutôt, on va dire, récompensés Ah, bien par sûr. des awards. Donc ça, c'est pas rien. Il a Villanova, c'est pas une petite fac. été élu meilleur joueur d'NCAA devant des Trae Young, devant Tout à des fait, tout Ayton. à fait. Donc c'est quand même quelqu'un Donc qui est c'est, en sage. fait, il avait surtout reculé dans la draft, je pense, de par son physique, parce qu'il est petit, c'est un petit gabarit, et c'est difficile de voir, on va dire, des fois des avenirs en NBA pour ce genre de joueurs qui peuvent performer en NCAA, mais Et moins aussi, chez les pros. je me demande s'il n'était pas junior aussi. C'est-à-dire que je me demande s'il n'était pas dans sa dernière année de fac. Et souvent, les GM C'est préfèrent moins bien pas. vu, c'est moins bien Ouais. vu. Ouais, Alors que c'était un clairement. joueur peut-être plus accompli, mais un peu plus vieux. Et c'était pour ça aussi qu'il a chuté. Mais C'est ça, peut-être il que y a des s'il fois des était doutes, on rentré plus préfère. tôt. Ouais. Donc, Peut-être que s'il non, était rentré plus tôt, il aurait été drafté un peu plus haut. Les Knicks l'avaient un non. Ouais. petit peu dans le viseur en 2018, si je dis pas de bêtises. Mais manque de bol, il était parti un petit peu plus tôt au second tour. Et les Knicks s'étaient rabattus sur un certain Mitchell Robinson, À quelques tours plus tard, ouais. qui a plutôt bien joué. Mais donc, du coup, voilà, c'était un garçon qui était déjà dans le viseur des Knicks, qui a montré une progression sur ses 4 saisons quand même comment dire, à Dallas. C'est pas que une saison. Et donc il y a un joueur de tempérament, et c'est ça que j'aime aussi beaucoup. C'est pas un joueur soft. Je pense que la pression du Garden, il va l'accueillir comme il faut. Il Oui. a quelques matchs de playoff dans les pattes, donc ça peut aider. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne recrue. Après, l'avenir va dire si c'est un joueur qui peut encore passer un cap. C'est pas encore un joueur All-Star. On en a parlé quand il a fallu parler de son contrat. 100... Alors au début on a parlé de 110 millions, après 105, 106, 104. Bon, a priori ça serait autour des 104 millions sur 4 Voilà. ans. À voir si c'est un contrat dégressif ou si c'est un contrat progressif. C'est le premier joueur des Knicks à passer les 100 millions de dollars sans avoir été All-Star au préalable. Donc ça, voilà, ça va mettre une petite pression supplémentaire. Mais moi je le vois un petit peu dans la veine d'un Fred Van Vliet Ouais. des Raptors. À la différence qu'on n'a pas été le prolonger, on a plutôt été le chercher, donc il a fallu mettre un prix un petit peu plus élevé. Mais en comparaison, là où beaucoup se sont offusqués par rapport au prix, en disant ouais, trop cher, il n'a rien prouvé encore, admettons. Anfernee Simons, pardon, aux Blazers signe pour l'équivalent, pour à peu près le même contrat. Et pour lui, c'est pareil, c'est une belle saison, surtout une belle saison la saison dernière, mais il n'y a pas plus de titres All-Star. C'est pas encore un joueur affirmé, c'est un joueur qui est en progression. Donc pour moi, on est dans le marché, on est Et dans le prix du marché. la situation est quand même différente. C'est-à-dire qu'Anthony Simmons, Il est prolongé à côté d'un Damian Lillard, hein, il donc. est. Ouais, mais surtout, c'est que la saison dernière, Lillard donc joue plus. L'équipe est bazardée. On en voit si j'y coule meilleur. Il En a tout. pseudo mode tanking, quoi. Il Pseudo. a, exactement, il a tous les tickets shoot. Tu regardes ses stats sur Basketball Reference. Il a tous les tickets shoot. Je veux dire, c'est multiplié par deux, je crois. C'est Ce qui monstrueux. favorise une progression statistique, puisque du coup, voilà, tu avais C'est les clés de la ça. maison Est-ce et que fais en bon usage, cette quoi. année il va avoir la même production? À Peut-être, voir, à voir. Mais voilà, je sais que moi, ça m'a valu des petites batailles épiques sur Twitter avec certains qui estimaient On passe le bonjour à la team First que... Team, Steph Brun et Erwan Abotret au passage. Mais voilà, ce n'est que du débat, ce n'est que de l'amour du jeu. Exactement, et l'amour d'Elix. Et moi, je pense que, comme je disais, Kylori, avant ses 26-27 ans, c'est un joueur moyen. C'est un joueur moyen. Et Kylori, très Estlove. bonne référence. C'est un joueur qui vient de Villanova, qui est un peu dans un gabarit un petit peu comparable Ouais, exactement. à Jalen Brunson. Peut-être un peu plus costaud quand même. Plus Et costaud dans le mauvais sens du terme. peut-être plus un sens de la passe aussi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ouais, c'est aussi une comparaison. Et ces joueurs, il faut les payer. Ces joueurs, il faut les payer. Les Knicks avaient un besoin au poste 1. On a essayé lors de la draft. Ça n'a pas pu se faire. Via des trades, c'était pas forcément évident. Là, sur la free agency, il fallait faire ce qu'il fallait. Léon Rose a fait le boulot. Après, il faut se dire aussi qu'à New York, faut des fois un petit peu plus payer les joueurs qu'ailleurs, parce que bah, les salaires sont pas tout à fait considérés de la même façon. Il y a un peu plus de taxes, un peu plus d'impôts quand on regarde entre un salaire new-yorkais et un salaire à Dallas. Il y a 10 à 15% d'écart. Donc du coup, bah ouais, Et puis forcément, faut peut-être mettre une petite rallonge. il y a le shine de Une l'équipe, petite c'est-à-dire rallonge. qu'actuellement, on n'est pas sous les projecteurs, on n'est pas l'équipe dans laquelle on a envie de jouer dans un premier temps. Ce que je veux dire par là, c'est que on joue pas les playoffs chaque année, on fait pas Ah, des demi ou des ça va finales de venir, ça conf. va venir. On espère, Ça va revenir. bien évidemment. Mais ce que je veux dire Ça par va là, c'est revenir. que évidemment, peut-être que les joueurs ont plus tendance à regarder les équipes qui sont dans le premier tiers du classement plutôt que dans le ventre mou ou dans le dernier tiers. Donc, forcément, il faut allonger un peu plus d'argent pour les faire venir. Mais ça n'enlève pas le talent de Jalen Brunson. Et je pense qu'il va être super bien accueilli au Madison Square Garden. Et puis, de Ouais, toute je façon, pense. maintenant c'est un Knicks, donc on est avec On lui. va le Quoi. supporter et peu importe son salaire. Bien sûr, il y aura des attentes. Bien sûr, Et il va falloir répondre à ces attentes. il faut Mais souligner on va le que. supporter. Et il faut souligner que ben, voilà, le plan A, c'était Ivy, ça s'est pas fait. Le plan B, c'était dumper du salaire pour faire signer Brunson. C'était clairement ça. Hein. Genre, dès C'est le jour ça. de la draft, c'était ça. Tout le monde a très vite compris et ça a été fait. C'était ça le plan B. Le plan B a été effectué. Donc ben, voilà, ils ont tenu leur ligne Maintenant, directrice. affaire à suivre, à voir comment ça va jouer sur le terrain. Pardon, sur le terrain, en compagnie de ses coéquipiers. Il y a quelques doutes vis-à-vis de la rotation au niveau du backcourt, mais bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, impatient de voir ça. On a enfin un meneur. Souhaitons-lui qu'il reste en très bonne santé et qu'il réponde aux attentes. Petite dernière info, effectivement, 104 millions, c'est beaucoup. La rumeur évoque 106 millions de la part des Dallas Mavericks sur 5 ans. Donc à voir ce que ça donne. On va voir, on va faire aussi un rapide débrief sur les quelques joueurs qui nous ont rejoints parce qu'il n'y est pas tout seul. Alors, je vais essayer de prendre mon temps pour bien épeler son nom. Isaiah Hartenstein. Je crois que je suis bon. Voilà. C'est l'autre signature de la Free Agency. Un pivot, pardon, backup qui Mais venait de. lapsus Des Clippers. qui est pas mauvais parce qu'il a des qualités de passe. Il a des qualités de passe. C'est pas un meneur, effectivement. C'est un pivot à l'intérieur, mais il a des qualités de passe. Il a un petit peu de shoot. Alors ne nous emballons pas non plus, hein. Je vois beaucoup de gens qui font ouais, super, un très bon. Voilà. Ça va être un backup. Il va passer après Mitch, hein, c'est certain. Peut-être que ça va être une sorte de Jason Smith 2.0 ou je sais pas, un Marshall Plumlee ou que sais-je. Faut se méfier tout de même des fois avec ces joueurs. Voilà. Signé pour 16 millions de dollars sur 2 saisons. Alors on ne sait pas, on n'a encore pas à l'heure où on enregistre cette vidéo. Est-ce que tout est Tu l'as garanti ou dit, on pas? n'a pas Je sais tout. pas. Est-ce que la deuxième année est en team option ou pas? À voir. Mais en tout cas, c'est un profil différent de ce qu'on avait avec Nerlens Noël. Plutôt intéressant. À voir s'il y a un petit peu de shoot, si ça peut écarter, si ça peut passer le ballon. Il a de bons échos par rapport à ses passages dans ses différentes équipes respectives. À voir, pourquoi pas. On remplace, on a perdu Noël. Il viendra peut-être grappiller des minutes devant Sims. Mais bon, un profil complémentaire. Pourquoi Voilà. pas, pourquoi pas. Ben, écoute, moi je suis plutôt. J'étais surpris de cette signature, mais après, en me penchant Le sur nom est pas le le. plus bling-bling, voilà, hein, on Ouais, est non, mais c'est d'accord, mais. pas. Après, pas besoin de bling-bling, là, là c'est de la viande à envoyer dans la raquette. Mais pas que, c'est un mec qui a un tir, c'est une personne qui a une vista, J'invite les personnes qui regardent la vidéo et qui sont sur Twitter à aller sur un site qui s'appelle, enfin, un Tu Twitter qui racontes? s'appelle The Strikeland, Strikeland, quoi, et qui fait souvent en fait donc des trades sur la façon dont jouent les joueurs. Et donc il a fait toute une chose sur Hartenstein. Et c'est super intéressant. Et en fait, on s'aperçoit que ce gars-là a un sens de la passe un peu comme pouvait l'avoir Noah quand il était dans son prime au Bulls, c'est-à-dire un mec qui quand même avait quand même Le bon Noah, le bon Noah. le bon Noah, voilà, pas la copie, mais voilà, le Noah All-Star, le Noah All-Defensive, mais qui avait quand même une qualité de passe, il avait des sacrés mains, hein, Joakim Noah, et qui avait quand même une belle vista. Mais en plus de ça, lui, là, voilà, il a un shoot quand même, et peut-être qu'en associant sur certaines séquences avec Julius, ça peut permettre peut-être de lui ouvrir plus la raquette, ou même à RJ, hein, de lui ouvrir plus la raquette. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est... C'est pas mal. Mais ça reste un backup. Donc ne nous Oui. emballons pas, ne survendons pas le Ouais, mais garçon. il aura À ses voir ce que 15 ça peut minutes. donner. Il aura ses 15 minutes, c'est qu'un ouais par là, il Et en aura ses 15 fonction minutes. des fautes des uns des autres, des blessures des uns des autres, des rotations, on le verra plus ou moins à l'œuvre. On le En tout connaît, cas, Mitch. On connaît les blessures de Mitch. notre pivot, et ses fautes rapides. À voir s'il a progressé. Mais en tout cas, Mitch, ça y est, bah, il a rempilé 60 millions de dollars pour 4 saisons. Bah voilà, c'est le premier rookie depuis notre fameux Charlie Ward qui est prolongé. Donc ça fait plaisir. Pour une fois, on fait confiance à un joueur formé à la maison. Même QV de draft que Jalen Brunson. Ouais. Donc on a mis un bon paquet de dollars, 160 et quelques millions de dollars sur deux gars issus d'un second tour de draft. C'est pas mal. L'avenir est radieux. Vaut mieux viser les mecs de second pick, de second tour que de premier. C'est Mais pas grave. cette draft, quand on s'y penche dessus, elle est fantastique, hein. Je pense que dans le Elle est futur, on le finalement verra, assez mais dense. Elle est assez dense. Et si on se ça... penche dessus, bah, on peut retrouver un autre joueur qu'on a drafté. On va en parler juste après. Mais en tout cas, Mitch inscrit son avenir en orange et blue. Et Donc ça, c'est une bonne signature. le prix est correct. Je veux dire, j'ai lu des choses, j'ai participé à des débats. Le prix est correct, c'est le prix d'un pivot titulaire d'NBA. Je veux dire, 15 On millions a l'année, toujours c'est. envie, on a toujours envie de payer moins cher. Hein, on est d'accord. Mais. Mais Mais... bon, il était payé au rabais. Là, c'est Oui. 15 millions la saison. Est-ce que son plafond est encore très haut? À voir. En tout cas, c'est un rim protector. Il connaît l'équipe. Il y a de la stabilité, mine de rien, dans cette Voilà. signature. Donc, à voir. Je suis pas le plus grand fan de Mitch. Hein. Je pense que voilà, il montre des limites. À voir si maintenant, avec Jalen Brunson, avec un meneur un petit peu plus Ouais. confirmé, Qui va le faire jouer est-ce qu'il peut-être? Il va arrive le à faire développer jouer. son jeu? À voir. À Peut-être voir. qu'il va le voir et Mais peut-être qu'il va l'impliquer plus dans le jeu. Donc, c'est ce qu'on va demander à Brunson. Hein. au pire, c'est un contrat qui peut se trade. Je veux dire, Oui. 15 millions la saison, c'est pas non plus. On l'a pas surpayé. Après, il va falloir attendre plus de lui, moins de fautes, peut-être une plus grande progression statistique. Il y avait du mieux sur la gestion des, enfin sur les blessures, la gestion des blessures. On gère les blessures comme on peut quand elles arrivent. Mais la saison dernière, il y avait du mieux quand il a repris un petit peu du rythme. Donc voilà. En tout Mais cas, c'est après, toujours un X et ça fait plaisir. enfin, je suis d'accord qu'on entend mieux de lui, mais quand on regarde un peu plus, alors au niveau des rebonds, c'est 8 rebonds à peu près, mais il s'est amélioré sur le rebond offensif. Je veux dire, il en a pris 4, il prend 4 rebonds offensifs cette année. Et en même temps, après, derrière, si on ne l'implique pas dans le jeu, forcément, il ne peut pas non plus se montrer. Et on l'a pas non plus, il n'a pas un tir de distance. Son jeu offensif est limité à de la finition sous le panier, donc Ce gars-là, voilà, faut c'est le chercher en là-dessus. alley-oop comme un Gobert, faut le chercher derrière. Et je trouve que si on l'implique pas forcément, ben, ses stats, elles peuvent pas augmenter. Donc ce qu'on a attendu, je pense surtout de lui, c'est qu'il soit plus dur défensivement, qu'il arrête de sauter sur un clin d'œil, quoi, et qu'il fasse la différence, voilà, de ce côté-là du terrain surtout. Moi, j'attends pas qu'il me marque 14 points. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse peur dans la raquette et que ce soit vraiment une personne que lorsque on va pénétrer, on se dit merde, il y a Robinson devant, quoi, je vais me faire mâcher. Moi, c'est surtout ça, je veux. Défensivement, c'est surtout là où il est attendu. Tout à fait d'accord. Et puis, bah, il y a un joueur qui est parti, mais pas parti d'Enix. Enfin, si, il était parti mais un peu plus tôt. Bah, on pense à lui, c'est son compère de draft, le fameux pick 9. Kevin Knox. Kevin Knox, par où? Au Au Détroit Détroit Piston. Pistons. En fait, c'est cool. Il y aura tellement de joueurs d'Enix au Détroit Pistons que le match qui va avoir lieu à l'Accor Hotel Arena de Paris, Bercy, en janvier, bah, va ressembler un petit peu à un match Knicks, hein, avec tous ces Et, joueurs et, et, qu'on aurait voulu avoir. Donc. et un match Dallas Pistons, est-ce que c'est un peu aussi. Est-ce que ça compte pour un match Knicks? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il retrouve un club. 6 millions de dollars, non pas la saison, mais pour deux saisons. Donc un petit 3 millions de dollars. C'est pas hyper, hyper haut. Mais bon, en même temps, le joueur se cherche un peu et un peu en galère. Donc à voir s'il arrive à se relancer là-bas. Voilà, je pense bon, que. C'est la suite de sa carrière NBA est toujours compliquée pour l'ami Kevin. Quoi. Je pense que c'est sa dernière chance avant de parler mandarin, je pense. Avant de voir, oui, ou peut-être, je sais pas, d'autres langues. À voir. En tout cas, voilà. C'était le tour de la Free Agency. Il y a encore quelques petits trucs à dire. Et du coup, j'ai envie qu'on en parle sur la seconde partie. T'es prêt? Parti. Alors, on regarde ce qui va se passer pour la suite. Ça, c'est tout ce qui s'est passé derrière nous. Mais il y a encore des choses qui nous attendent. Donc, on en parle tout de suite dans la seconde partie de l'émission. C'est parti. Et oui, une semaine de Free Agency, c'est bien. Mais c'est que le début. Il y a encore tellement de joueurs qui n'ont pas encore trouvé une nouvelle franchise, un nouveau domicile. Et parmi ces joueurs, bon, bah, il y a des choses qui sont passées du côté des montagnes de l'Utah. Il y a un joueur qui est parti, hein, Cocorico, un joueur français. Rudy Gobert était un peu attendu. Alors, certains auraient aimé le joueur Onyx, bon, c'est compliqué. Il aurait fallu laisser partir Mitch, tout ça. Il n'a pas été réellement dans les rumeurs. Rudy Gobert, pardon, est parti rejoindre... Carl Anthony Town, 4, pour former une raquette ahurissante à 463 millions de dollars. Waouh, quel est le plan, quel est le projet? On va voir, hein. Il va retrouver aussi un Anthony Edwards avec qui il n'était pas forcément hyper pote. Bon courage à toi Rudy, c'est un nouveau challenge dans ta carrière NBA. Ça reste un joueur français qu'on apprécie de tout. Ils vont être solides, je pense qu'ils vont être, sérieux. Ils vont être solides dans la raquette, ça va être sérieux, mais bon, à voir le projet. Hein, parce que là où Rudy Gobert n'avait pas trop de ballons... dans la raquette en attaque à Utah, je sais pas comment ça va se passer pour lui. Mais je pense que ça va être comme pour Mitch. Je pense que ça va être pour stabiliser la défense et avoir et de toute façon avoir Rudy dans la défense. C'est toujours bon. Tu récupères un défenseur de l'année, un multi défenseur de l'année. Bon, ça aide au niveau de la défense dans la raquette, c'est certain. Et donc du coup, bah, qui dit Utah Jazz dit Donovan Mitchell, Spida. Alors un joueur qu'on voit, qu'on revoit, qu'on voit dans tous les sens avec Emmanuel Quickley, avec les couleurs des Mets, attention, pas des Nets, des Mets, le orange and blue du baseball parce que c'est ça son équipe favori. Et Donovan Mitchell, ça fait un moment qu'on en entend parler dans les rumeurs, est-ce qu'il va venir à New York, est-ce que Léon Rose va lui remettre la main dessus. C'est pareil, c'est un joueur... pour lequel on peut avoir des regrets, on est passé à côté au niveau de la draft 2017, hein, on a préféré prendre Frank Ntilikina. Tant pis, c'est comme ça, c'est fait, mais voilà, donc du coup c'est un nom qui est revenu très souvent, les dernières rumeurs font plutôt l'état d'un projet qui se fait autour de Donovan Mitchell à Utah, ils ont récupéré pas mal d'assets, ils n'ont pas forcément récupéré, enfin... Bon, il y a des joueurs dans le trade avec les Wolves, mais est-ce que c'est vraiment les joueurs qui vont faire leur avenir autour de Donovan Mitchell au Jazz? On peut se poser des questions, et au rayon de ces questions, bah voilà, il y a forcément les Knicks toujours qui reviennent dans l'affaire. Toujours. Et les bruits de couloir font plutôt laisser dire que, bah non, les Knicks ne sont pas chaud pour lâcher tout un tas de picks de draft. Alors est-ce qu'on aurait appris du trade de ce petit monsieur de Carmelo Anthony? J'ai ressorti le t-shirt, c'est l'été, c'est la période estivale, les médailles et tout. Est-ce que Melo va revenir au Knicks? C'est encore une autre histoire. Oh, non. Mais voilà, est-ce qu'on aurait appris de cette période-là? Est-ce qu'on n'a pas envie de dépouiller l'équipe? Est-ce qu'on se dit que Donovan Mitchell, c'est pas le joueur qu'il faut? Qu'est-ce qu'on se dit autour de Donovan Mitchell? Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi déjà, ce que j'en pense, c'est que... Faut y aller ou faut pas y aller? Alors déjà, ce que j'en pense d'une, c'est que Utah, quand ils disent qu'ils veulent reconstruire autour de Spida Michel, de Donovan Mitchell, je pense que c'est un peu de la flûte. Je pense que Danny Ainge, connaissant Danny Ainge et sa reconstruction bien, hein, une bonne reconstruction à Boston, hein, ils ont fait les finales, donc ça a marché. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules et qui a le sens des affaires. Et je pense que c'est le prochain sur la liste, personnellement. Je pense qu'il fera partie d'un gros deal. Et ensuite, moi, ce que je pense, c'est que, ben, bravo, enfin, il y a du cerveau dans le front office. On jette pas tout à la poubelle, en tout cas, pour l'instant, au moment où on tourne cette émission. Ouais, parce que ça se trouve, dans quelques heures, on va se rendre compte que la vidéo, elle est obsolète C'est et qu'il y a ça. un trade de Donovan Mitchell. Si ça se Bon, trouve, là, on ressortira la vidéo Breaking News et puis voilà, on débriefera tout à pendant l'heure qu'on là-dessus. parle, il y a une manche-bombe, merde, il vient. Mais moi, ce que je pense, c'est ça, c'est plutôt bon signe. Déjà d'une, ok, tu le fais venir, ça veut dire qu'il faut que tu balances du joueur, faut que tu balances du pick. Tu l'entoures avec quoi, déjà d'une? Tu l'entoures avec qui? Et de deux, imaginons dans un monde magnifique, il se contente de pique, et puis nous, on envoie Evan, plus Cabradiche. Dulce et du pique, ou Cam Reddish, et plus du pique, et il vient, RJ Barrett, il voit quand la balle? C'est lui notre projet. Il la voit C'est quand? ça, c'est ça. Brunson, Après, il lui faut la balle. il y a la question de la compatibilité. Alors après, certains vont même te dire, bah mettons RJ dans le package. Bon, Oh. là, ça va être compliqué en termes RJ, d'affect, parce il que a voilà, 22 ça fait ans, partie. il progresse d'année en année. Ça Il fait faut partie du savoir que projet, le Yoamenix, quoi, voilà. RJ Barrett, après le All-Star Break, c'est quand même plus de 24 points de moyenne. À 22 ans. Attends, tu peux le redire, s'il C'est plus de te plaît? 24 points de moyenne à 22 Il ans. faut que les gens l'entendent, il faut que les gens l'entendent, parce qu'il termine la saison à 20 points, donc ça Ah c'est très oui. bien, hein, il termine, voilà. Bon, malheureusement, il n'y a pas les résultats collectifs, ça on le sait, on va pas revenir dessus, mais il a fait une très bonne deuxième partie de saison. Ah oui. À partir du moment où, voilà, les histoires de Julius, il a été un peu sur la touche, et fin d'année, au moment des fêtes de fin d'année, et puis après sur la dernière partie de la saison, il a été totalement différent, RJ Mais RJ, Barrett, et il c'est a un montré diesel. qu'il pouvait prendre l'équipe sur ses épaules. Il n'arrivera pas tout seul, mais voilà, il en a la capacité en tout cas. Et il a encore aussi une marge de progression. Ah mais C'est ça qui est carrément. impressionnant, quoi. RJ, c'est un diesel. Rappelle-toi sa saison rookie. Il a commencé mal et il a fini à un bout de canon. Et là, c'est à nouveau la même chose. Les premiers matchs sont pas ouf. Voilà, ça t'a tourné un peu. C'est la reprise. Mais derrière, dès qu'il a commencé à prendre son rythme de croisière, il a pris l'équipe sous son aile parce qu'on avait Ronchon Julius. Et les autres jeunes se sont ralliés à lui. Les équipes, lorsqu'ils ont joué avec IQ, avec Grimes, c'était très sympa. Ça jouait avec Obi. Ça jouait, c'était explosif. C'était très sympa à regarder. Même s'il n'y avait pas la victoire au bout, mais c'était très sympa à regarder. Et c'est lui le futur. Enfin, je veux dire, il faut pas. C'est un numéro 3 de draft. Il est dans sa, il est, là, il va rentrer dans sa En quatrième progression. année et il est en nette progression chaque année. C'est lui qu'il faut viser, faut miser sur lui. Alors, peut-être que c'est pas un franchise player. Qu'est-ce qu'un franchise player? Peut-être que c'est pas un franchise player. Peut-être que c'est un lieutenant. Mais en attendant, c'est un mec qui a un super état d'esprit. Il a des, et les joueurs qui sont autour de lui lui disent du bien de lui. Donc, ben, allez, Dans la faut ligue, miser sur lui. aussi. Dans la Il y ligue a forcément aussi. ses coéquipiers s'entendent bien Bien. et il fait l'unanimité, mais dans la ligue, il commence à être reconnu. Quand Bien on voit sûr. qu'il voilà se discute en fin de match avec AD, avec LeBron, avec Jimmy Butler, voilà, il commence à gagner ses galons, à être reconnu. Et c'est Je pense que d'autant. si cette saison, il fait une bonne saison statistique, si cette saison, les résultats sont à peu près au rendez-vous, une sélection All-Star, c'est pas forcément quelque chose d'inatteignable cette saison, quoi. Non, Donc, euh... s'il tourne maintenant à 22 points de moyenne sur la saison, 22, 24 points de moyenne, c'est plus régulier. Bah, il peut très bien prétendre, et qu'on soit dans le top 8 de l'Est, il Voilà, peut on n'attendait prétendre. pas trop non plus, mais voilà, si l'équipe est encore du bon côté, on va dire des playoffs, Top 8, bah ça peut lui apporter une sélection All-Star. Ça top peut. 8 c'est le minimum que j'espère atteindre quand même. Pareil, Peut être exigeant un petit peu. on est d'accord que là il va falloir y retourner, hein. Il va falloir y retourner la saison prochaine. Mais tout ça pour dire que Donovan Mitchell, c'est un bon joueur, hein. Attention, effectivement, il Bien sort d'une sûr. saison compliquée, les résultats Moi, sont pas là, mais j'adore. faut pas oublier que la saison d'avant, le Jazz termine numéro 1 de la conférence Ouest, hein. Donc c'est pas rien. Il n'est pas tout seul dans le résultat enfin, contributeur dans le résultat du Jazz. Mais n'oublions pas non plus le joueur que c'est. Alors oui, c'est pas un grand défenseur. Oui, ça peut être un croqueur, mais c'est un joueur quand même, voilà, multi All-Star, Team USA. C'est pas non plus une chèvre. Voilà, c'est pas un joueur en Non. perte de vitesse Et encore, sur mentale. sa première année rookie, il était intéressant défensivement. Oui, mais après, voilà, c'est sûr qu'on brille plus avec des stats offensives qu'avec des stats défensives. Et puis, il y avait un joueur qui était réputé pour ça, dont c'était la spécialité, qui était Rudy Gobert. Donc, voilà, c'est pas le même type de joueur. Le torchon a brûlé Donc, entre deux, il y a et eu une voilà. histoire de Covid, il y a eu des histoires, ça a été compliqué. À voir si vraiment le jazz reconstruit son avenir de façon durable autour de Donovan Mitchell. À voir si Donovan Mitchell, à un moment donné, n'a pas envie de voir ailleurs. Faudra rester à l'affût. On a des pics de draft. On a des assets. Après, on peut se poser des questions sur la complémentarité. Et là, on a quand même construit un backcourt quasiment avec du Jalen Brunson, du RJ Barrett. Il y aura peut-être Evan entre les deux. Il y aura peut-être autre chose. On va voir ce que Thibodeau, comment il nous rééquilibre tout ça. Mais c'est un peu compliqué de voir comment Donovan Mitchell pourrait s'intégrer là-dedans. Donc si ça se passe mal sur Jalen Brunson, ce que j'espère pas, et ce qui pourrait apporter des situations plutôt complexes, hein, sachant qu'il y a le papa, sachant qu'il y a un petit peu toute la famille, donc ça va être compliqué si ça se passe mal avec Jalen. Mais voilà, à voir comment Donovan Mitchell pourrait arriver là-dedans. Mais moi ma prédiction c'est qu'il fera partie de tout le package qui va être énorme autour du transfert de Kevin Durant. Moi, ça, c'est mon avis. Je pense qu'il y a... Donovan Mitchell ? Ouais. Moi, je pense qu'il... Ah moi, malheureusement, il y a une règle. Il y a une règle en NBA qui veut que... oui, oui. Qui veut qu'on ne fait pas de deal avec les Nets. Non, en fait, qui veut que, pour l'instant, c'est Ben Simmons qui pose problème. Parce qu'il lui a été offert un contrat max avant la fin de son contrat rookie. Oui. Et il est designated player, un truc comme ça. Et Donovan Mitchell aussi. Et il ne peut pas y avoir deux joueurs de ce type. Ah ouais, non, mais après... Il va falloir manœuvrer. Alors, est-ce que... Ben Simmons se retrouve au Jazz, je sais pas. Après, je dis pas qu'il ira forcément au Nets, mais parce que je pense que ça va impliquer beaucoup d'équipes. Je pense que ça va pas être à 3, hein. Ça va être à plus. Et il va y avoir beaucoup de monde, effectivement. Histoire de je pense que ça va être un trade. Il va falloir 2 jours pour bien analyser. Il y aura peut-être du Miles Turner au milieu. Il y aura peut-être des mecs des Pacers. Ouais. Je pense que ça va être un truc. Ça va tout chambouler, quoi. Ça va être... Waouh. On parle souvent de gros dominos. Là, c'est toute la boîte de dominos qui tombe. Ah ouais, qui tombe par terre. Avec KD. Est-ce que Donovan Mitchell va se retrouver de cette histoire? À voir. Affaire à suivre. En tout cas, du côté du Jazz, il se passe des choses. Du côté des Knicks, il reste à l'affût. Pour le moment, c'est pas un all-in là-dessus. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que la chronologie n'est pas bonne pour le moment pour aller chercher un Donovan Mitchell. Autant un Dejounte Murray, on pouvait un petit peu trouver la complémentarité avec un joueur longiligne, un profil plus défensif, même si c'est un slasher aussi. Là, Donovan Mitchell, on est sur un joueur de petite taille, hein, même si on va raison garder par rapport à nous-mêmes. Mais voilà. Aux mensurations NBA, voilà, tout est relatif. Bon, ça va être la free agency, elle va encore se poursuivre. À voir si les Knicks font encore quelques moves. Evan Fournier était plus ou moins dans des rumeurs. On a appris à l'apprécier au fil de la saison par son rôle de gâchette, de sniper. Il est un peu frustré, il a pu exprimer de la frustration parce qu'il n'avait plus cette créativité de la même façon, cet accès au panier de la même façon. Mais il a su se montrer intelligent, il a su se montrer être un joueur d'équipe. Et ça, c'est plutôt intéressant à voir si c'est un rôle en sortie de banc. Lui-même l'a dit, hein, c'est que sa première partie de saison était un peu compliquée parce qu'il n'avait pas encore bien compris ce que Thibodeau voulait de lui. Et quelqu'un après, les systèmes et tout ça ont été analysés et digérés. Donc en fait, il s'est transformé en shooter. Il y a un temps d'adaptation. Nouvelle équipe, nouveau coach. Et tu ne deviens pas un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue si t'es mauvais, quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Je le verrais plus, comme tu dis, en sortie de banc, à un sixième homme, mais avec du gros temps de jeu. Plus une histoire d'équilibre au niveau des 5. C'est plus après, il y a des histoires d'ego et bon, mais voilà, c'est à voir. Mais c'est un joueur intelligent, donc à l'esprit olympique, malgré ce que certains disent. C'est un athlète. On ne parle pas encore de Jeux Olympiques, mais on va parler de Summer League. Et donc, on vous redonne le calendrier. Ça démarre cette semaine. Donc, Golden State, Chicago, Portland et Orlando pour commencer. Si les affaires se passent bien, il y aura peut-être autre chose. Et du coup, ça va être l'occasion de revoir des joueurs. Alors, la semaine passée, avec Willy, on parlait de Rokas Džokubaitis. Je l'ai bien dit. Rokas. Non, Rokas ne sera pas de retour à Vegas. Rockas Vegas cette année. Pas de very good trip pour lui, pas de very bad trip non plus, parce qu'il est blessé malheureusement, donc il va rester en Europe soigner sa blessure. C'est dommage, on aurait bien aimé voir un petit peu j'aurais bien aimé. Comment il pouvait se réexprimer. Il avait montré de bonnes choses la saison dernière sur la Summer League, c'est toujours intéressant pour ça. Et donc, il a fait une belle saison à Barcelone. Ouais, on vous a donné, tout à fait, au Barça, ça s'était plutôt bien passé. Rising Star, hein, Rocas, Rising Star au Barça, donc à voir quel avenir les Knicks vont lui réserver. C'est toujours compliqué vis-à-vis des meneurs européens. Non pas qu'ils n'ont pas de talent, mais l'intégration est parfois un peu plus compliquée pour eux. Bref, c'est-à-dire que maintenant que tu as un Brunson et que voilà, tu as un IQ qui va sûrement re-signer l'année prochaine. C'est compliqué. Est-ce qu'il va avoir une place Ça peut être un joueur qui fait aussi partie d'un paquet. D'un deal, pourquoi pas. Il est jeune, hein. Il est super pourquoi jeune. Pas. Raoul Neto a bien joué au Jazz. Je dis ça, je dis rien. Bon, en tout cas, voilà, on vous a donné l'autre côté, hop, pardon, la liste des joueurs qui vont représenter les New York Knicks lors de cette Summer League de Vegas avec le coach, non pas Tom Thibodeau, mais Yoshi Yamamoto. Hein. Voilà, on est au-dessus dans les noms un peu compliqués à prononcer. On va retrouver. J'aurais pensé que ça serait O'Brien, moi, tu vois, le coach. Eh ben non. D'ailleurs, qui reste au Knicks pour le moment, il n'a pas été. Il n'a pas été pris au Jazz. Alpagué par le Jazz. Donc voilà, le pote de Donovan Mitchell reste au Knicks. On dit ça, on dit rien. Ça fait beaucoup de choses, mais bon. Ah, le Jazz, c'est autre chose. Allez. Donc ouais, Quentin Grimes, Miles McBride, Jericho Sims. On va retrouver notre Trevor Kills drafté. Faut pas l'oublier quand même au second tour de la draft. On va le retrouver en action, donc en Summer League à Vegas. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'il pourrait donner. C'est un second tour de draft. Est-ce qu'il va trouver quelques petites minutes? Ça va être un peu compliqué, mais il a un profil. Certains aiment bien en voir en lui du Marcus Smart. Donc ça peut toujours être intéressant. Il jouera en Summer League, c'est évident. C'est certain. Mais est-ce qu'il jouera ensuite lors de la saison? Son contrat, c'est un two-way contract, hein, donc il fera des allers-retours un peu en G-League. Mais au rythme des blessures, au rythme des méformes des uns des autres, pourquoi pas? Pourquoi pas grappiller quelques moments, des petites minutes et essayer de montrer des choses? C'est un joueur qui est plutôt dans la veine de Thibodeau, hein. Plutôt physique, qui peut défendre, qui peut shooter aussi, qui n'a pas peur d'aller au cercle. À voir. Bon, en tout cas, on va avoir un œil sur lui lors de cette Summer League de Vegas. Et puis un autre sur lequel on ne parle pas de draft, on parle plutôt de undraft. Un joueur qui est en Exhibit 10, donc un contrat pour les training camps, pour les Summer League. Donc c'est Jean Montero. Ce n'est pas un Français, malgré cette consonance plutôt francophone. C'est pas un Québécois non plus, hein, même si ça aurait pu. Non, c'est un Dominicain, République Dominicaine. Et c'est un petit jeune, petit par la taille, alors toujours relatif, hein, 1,88. Un gabarit plutôt léger, mais un joueur rapide, qui a non pas fait le circuit NCAA, qui n'a pas fait la G-League, mais qui a fait l'Overtime. Alors l'Overtime, c'est quoi? C'est pas l'émission de Jacques Monclar sur les réseaux sociaux. Non. On espère qu'il en parlera dans quelques années, ça serait signe d'une belle réussite pour lui. Est-ce que ça sera au Knicks ou ailleurs, à voir. Mais non, c'est le programme un petit peu sport-études. Voilà. On paye les joueurs, par contre, et on leur fait faire des études. Et en même temps, on les fait jouer. Il y a 27 joueurs qui sont pris dans ce programme. Et voilà, un Dominicain qui va venir un petit peu renforcer les lignes arrière Phoenix sur Vegas. Ça sera à scruter. Hein. Ah, ça ne présage en rien de son avenir au Knicks. Il va se montrer aux yeux des scouts NBA. Peut-être bah lui aussi, les Knicks proposeront un two-way derrière. C'est un meneur aussi. C'est un joueur de backcourt. Plutôt rapide, plutôt intéressant. Athlétique dans la mesure de ce qu'on peut voir de lui. Donc à voir. Il a montré de belles choses sur la scène internationale jeune. Là, c'est une opportunité de se remontrer. Il était projeté assez haut, on va dire, dans les mock draft. Il n'a pas été drafté. Aucune des équipes NBA sur les 60 picks n'a voulu miser sur lui. Donc attention, les joueurs non draftés, des fois, ont envie de montrer des choses. On pense à John Starks, on pense à d'autres joueurs, on pense à Ben Wallace, bon, qui n'est pas passé au Knicks, mais qui ont, malgré avoir fait l'impasse sur la draft, à l'insu de leur plein gré, ont pu avoir des carrières NBA. Après, un petit article sur le blog, vous pouvez regarder ça, mais. Après, c'est pas. Après, il a quand même des mensurations, il est quand même assez frêle, quoi. Ouais. Un 88, 79 kilos, c'est quand même assez frêle. Ouais, il va falloir pousser un petit peu de fonte et tout, mais par de la vitesse, par de la vision de jeu. À voir. En tout cas, on aura un œil sur lui, sur l'effectif de Vegas, entre Trevor Kills et Jean Montero. On le prononce en bon français, Jean Montero. Jean Montero, le Jeannot. Là où on a d'autres noms un peu plus compliqués à prononcer, lui, ça devrait aller. Ah, c'est sûr, cas, c'est voilà, pas ça, c'est... Isaiah Hartenstein. Hein, ça, c'est... Ah là là. Lui, il va falloir lui trouver un surnom parce que je ne vais pas y arriver toute la saison. En tout cas, voilà, ça, c'est le programme des semaines à venir à Vegas. Donc, on va suivre ça. On vous mettra les petits résumés comme il va bien sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Donc, on a une free agency qui est quand même essentiellement passée derrière nous pour les Knicks. Il y a encore de gros dominos à bouger sur cet été. On va être à l'affût. Peut-être que les Knicks récupéreront des assets, peut-être qu'ils seront dans quelques deals. À voir. Moi, je pense qu'on n'a pas terminé. Ça se terminera sur ça. Moi, je pense qu'on n'a pas terminé. Tu penses qu'il se passe encore des choses? Ouais, je pense que Cam Reddish ne va pas rester. Il n'est pas désiré par Thibodeau. Moi, comme je l'ai souvent dit, que ce soit sur les réseaux, il ne m'a jamais convaincu à Atlanta. Je trouve que c'est quelqu'un de nonchalant et peu concerné. Il arrive en fin de contrat. Il va falloir décider par la part. On a essayé de l'échanger à la draft. Personne n'en a voulu. Personne n'était intéressé par ce profil-là. Alors, c'est depuis, donc c'est dommage. Mais... Alors soit en fait, il fait des training camps de malade, puis en fait, il prouve à Thibodeau qu'il peut jouer 3. Et peut-être que ben, ça sera le crack que tout le monde avait annoncé au moment de la draft. Soit en fait, bah, je pense qu'il va connaître le même destin que Kevin Knox, quoi. C'est-à-dire, en fait, un talent. Non, mais parce que c'est un nom qui ressortait sur NCAA parce qu'il était à Duke, parce qu'il était avec RG, avec Zion. Oui, non, il a montré de belles choses à Duke, il a montré. C'était le troisième. Période. C'était le troisième. Il se hésitait à un moment donné lors de la draft entre lui et RG. Bon, on a bien fait de prendre RG sur le coup. Oui, mais à voir. En tout cas, il va falloir que Knicks se décide. Fasse un choix par rapport à lui, parce que son contrat, quoi qu'il arrive, va arriver à son terme. Donc, est-ce que ça va être un trade? Est-ce qu'on va le tester pour voir un petit peu son niveau de jeu et savoir si on poursuit l'aventure avec lui? Est-ce que c'est un joueur de rotation? Est-ce qu'il se retrouve à être dans le 5 de départ et on redécale plutôt RG en 2, histoire d'avoir une complémentarité 3 avec un joueur un peu profil un petit peu plus défensif? À voir. En tout cas, ça va être un sujet aussi à scruter. Où est-ce qu'il va partir dans un trade, là, dans les quelques semaines? Il va y avoir à suivre aussi ça. Les Knicks n'ont pas fini de toute façon de construire leur équipe. Le roster n'est pas fini. Il y a encore un peu d'argent. On parlait de Julius Randle. Julius Randle pour l'instant, toujours un Knicks. On verra d'ici la trade deadline. Il y a encore un peu d'argent en banque. Il y a encore 5 millions, je crois, à dépenser. Il y a encore un petit peu d'espace, effectivement. Donc, à voir. Est-ce que l'on ramène un certain Anthony? Mais bon, il va prendre des minutes des jeunes, ça n'a aucun intérêt. Mais toi, t'es dans la team, je veux pas Melo. Moi, mais je suis déjà dans la team. Base. J'en voulais je pas. Je suis pas sûr que ça soit la bonne idée non plus. Mais bon, en tout 2010, ça, j'en tout ça, voulais pas déjà. Tout ça, ouais. Mais bon, écoute, l'histoire, c'est l'histoire. C'est un X. À vie, c'est un X. En tout cas, voilà, on a fait le tour sur cette vidéo estivale. En principe. Sauf move cataclysmique ou sauf move hallucinant. On ne reviendra pas avant la pré-saison pour vous reparler de ce qui arrive sur KNF TV. En tout cas, voilà, c'était très sympa de t'avoir, Seb, sur cette vidéo. On retrouve bien évidemment tes billets d'humeur sur le blog. Ouais, bah, d'accord, je... ou pas avec toi, mais exactement. Un avis ta tranché. Vision des choses. Exactement. Exactement. Et puis quelques profils, j'espère pouvoir faire quelques petits profils de joueurs aussi, de petites bios de joueurs. Voilà, quoi. On a fait Jamal Crawford, on a fait Alan Houston. On devrait pouvoir te relire encore un peu, je pense. Voilà, sur le et puis au plaisir de revenir ici. C'était très sympa de discuter avec toi. Et puis ouais, c'était bien de faire. Tu es un membre actif de la communauté KNF, donc il est temps que l'on... que l'on t'attrape sur cette vidéo. Et je défends l'honneur des Knicks sur les réseaux, je les lâche pas. C'est pas toujours facile, mais il en faut, voilà, parce que le Knicks bashing ou le Knicks for click, ça marche toujours à fond. Ça Donc on est là pour suffit! défendre, Ça on est là pour suffit! défendre nos couleurs, même si des fois les Knicks nous donnent du fil à retordre pour être défendus. Ouais, mais il faut leur donner la bonne vibes, c'est ça, il faut. Toujours, New York forever, New York forever. Sur ce, on vous souhaite un super été. Portez-vous bien, profitez de vos Bonnes vacances, que ce vacances, bonnes soit à vacances. Vegas ou ailleurs, à la montagne, dans le Utah ou à la plage du côté de South Beach, bref, où vous voulez. En tout cas, portez-vous bien. Et d'ici là, bah, let's go Knicks! Yeah, c'était Nix. Allez, ciao ciao! Je ferai comme l'autre là. Ciao ciao! Portez-vous bien, à très bientôt sur KNF TV et sur les réseaux de Knicks Nation France. Ciao ciao!